Vous êtes à l'écoute de Radio Universidad de Occidente, qui émet sur les 820 AM et qui vous présente son programme de chansonnettes françaises. Le train de la musique va démarrer. Restez à l'écoute car le conducteur est prêt à partir. Bien le bonsoir à tous mes chers auditeurs de la radio UDEO, la plus grande station de tout le nord de Sinaloa. Je suis Alejandra Trasviña avec Daniel Fouché, au timon du train qui vous présente le programme de ce jeu. El tren, como siempre, piensa en ustedes y por eso busca las mejores canciones francesas para tocarles a ustedes. Hoy es mi segunda vez manejando el tren y diré que es un placer estar con todos ustedes y poder brindar en sus hogares música diferente que uno no escucha todos los días, solo los domingos. No solamente es un placer, sino también un honor y un privilegio, y por eso yo digo gracias. Alex, qué introducción. ¿Me permite una palabra? Claro que sí. No me he equivocado ofrecerte el timón del tren hoy. Me siento muy bien y en confianza. Entonces, adelante con el tren. Nous commencerons le programme de ce soir avec une musique de Ginette Renaud qui s'intitule Un peu plus haut, un peu plus loin. Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin, je veux voir comment c'est là-haut, garde mon bras, me tiens ma main, un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller encore plus loin, laisse mon bras, me tiens ma main, je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut, une tempête et un ruisseau. Prends garde, je laisse ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas, encore un saut et je suis là. Là aussi, je ne tombe pas. Je ne veux pas être loin toute seule. Viens voir ici comme on est bien. Quand on est haut, oh, comme on est bien. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter. Comment descendre sans tomber. Un peu plus haut, un peu plus fort. Encore un saut, essaye encore. Je voudrais te tendre les bras. Je suis trop haut, tu es trop bas. Encore un pas, un petit pas. Tu es trop loin, je t'aime. Adieu, adieu, je reviendrai. Tu voyais le monde au fond de la... Tiré du répertoire de notre grand ami Charles Aznavour, nous vous ferons écouter la prochaine musique qui est de lui et qui s'intitule « Tu te laisses aller ». Que t'es drôle à regarder, t'es là, t'attends, tu fais la tête. Et moi j'ai envie de rigoler, c'est l'alcool qui monte en ma tête. Tout l'alcool que j'ai pris ce soir, afin d'y puiser le courage, de t'avouer que j'en ai marre de toi, et de tes commérages, de ton corps qui me laisse sage. Et qui m'enlève tout espoir. J'en ai assez, faut bien que je te le dise. Tu m'exaspères, tu me tyrannises. Je subis ton sale caractère sans oser dire que t'exagères. Oui, t'exagères, tu le sais maintenant. Parfois, je voudrais t'étrangler, Dieu. Que t'as changé en 5 ans. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Tu es belle à regarder, tes bas tombant sur tes chaussures, et ton vieux peignoir mal fermé, et tes bigoudis, quelle allure. Je me demande chaque jour, comment as-tu fait pour me plaire? Comment ai-je pu te faire la cour? Et t'aliéner ma vie entière. Comme ça, tu ressembles à ta mère, car rien pour inspirer l'amour. Devant mes amis, quelle catastrophe. Tu me contredis, tu m'apostrophes. Avec ton venin et ta hargne, tu ferais battre des montagnes. Ah, j'ai décroché le gros lot le jour où je t'ai rencontré. Si tu te taisais, ce serait trop beau. Non, tu te laisses aller, tu te laisses aller. Tu es une brute et un tyran. Tu n'as pas de cœur et pas d'âme. Pourtant, je pense bien souvent que malgré tout, tu es ma femme. Si tu voulais faire un effort, tout pourrait reprendre sa place. Pour maigrir, fais un peu de sport. Arrange-toi devant ta glace. Accroche un sourire à ta face. Maquille ton cœur et ton corps. Au lieu de penser que je te déteste, de me fuir comme la peste, essaie de te montrer gentille. Redeviens la petite fille qui m'a donné tant de bonheur. Et parfois, comme par le passé, j'aimerais que tout contre mon cœur, tu te laisses aller, tu te laisses aller. Immédiatement après, ce sera la grande chanteuse Dalida, que tout le monde connaît avec son accent de gitane. Elle nous chantera une histoire d'amour. Magnifique. C'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en dis si ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est

demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dans mes en paix. Une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux, et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Esta tarde tenemos puras canciones románticas para ustedes y de nuevo, gracias por dejarnos entrar en sus casas. Aunque el calor está terrible, pero apenas debajo de un árbol en el patio podemos descansar escuchando el tren pasar tranquilamente. O en su cuarto con el aire acondicionado. Bueno. Sí, así es. Así es, sí. Continuaremos con una canción de Charles Aznavour, qui nous parle de sa faiblesse. Parce que tu crois. C'est une très belle mélodie. J'adore cette musique. Et cette chanson, oh, c'est fantastique. Parce que tu crois. Parce que tu crois que tu es ma faiblesse, tu me blesses, me meurtris, et te joues de moi comme de toutes choses, et dispose de ma vie. Et jour et nuit, parce que tu crois être ma raison d'être, tu fais naître ma douleur. Et bien malgré toi, en tout cas, je le pense, tu dépenses le bonheur qui vit dans mon cœur. Un jour peut venir, demain peut-être ou bien dans l'avenir. Ou qui sait, mon Dieu, le destin viendra pour brouiller les jeux. Tout ce que tu crois être à toi sans réserve, comme un rêve au matin, brisant ta loi, laisser tes yeux humides et le vide dans tes mains. Parce que tu crois que je suis un esclave, une épave de l'amour, tu puises tes joies et tu forges tes armes dans les larmes sans secours. De mon cœur lourd, parce que tu crois que je fus mise au monde pour que blonde déchaînée, tu me mènes au pas sans faire sacrifice d'un caprice, d'une idée d'enfant gâté. Sans un regret, parce que je crois que

l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. Une guitare qui, dans la nuit, un chanteur amoureux, une voix douce et des paroles à faire rêver. Oui, c'est ce que nous apporte notre cher invité de cet après-midi. Oui, nous parlons de M. Enrico Macias, qui nous dit qu'il ne peut pas tomber amoureux de la femme de son ami. Il est amoureux, mais il doit laisser partir, car elle est la femme de son ami. Et après cette chanson, nous irons à Corté. S'il vous plaît, ne partez pas. Nous reviendrons juste dans quelques instants. Je sais pourquoi tu as pleuré et tristement m'a regardé. Je peux te prendre dans mes bras pour embrasser tes yeux rougis, mais moi je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux partir. À moi tu ne peux pas mentir. Je peux te prendre dans mes bras et t'arracher à cette vie, mais ça je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sens mon cœur tout déchiré entre l'amour et l'amitié, que je ne peux départager. Je sais pourquoi tu as quitté celui qui n'a pas su t'aimer, et moi je t'ai laissé partir à la recherche de ta vie. En moi je n'ai qu'un souvenir, tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux chanter et pourquoi tu m'as regardé. Je peux te prendre dans mes bras car aujourd'hui j'en ai le droit. Moi depuis toujours, le vrai visage de l'amour. Pourtant jamais nous ne vivrons au cœur de la même chanson, au cœur de la même maison. Je voudrais que tu aies compris que si je t'aime, tu es aussi pour moi la femme de mon ami, de mon ami.